الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد nous allons voir ensemble, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, un sujet important et qui, de façon générale, rarement mentionné chez les musulmans. C'est donc le sujet de la sadaqa, sadaqa tu tatawwu, donc l'aumône qui est surérogatoire, le don qui est fait donc, de son propre gré. Sadaqa dans la langue arabe, il l'aura. Donc c'est l'atiya, c'est le don. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Yusuf, verset 88, وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي مُتَصَدِّقِينَ. Donc il dit subhanahu wa ta'ala, donc donne-nous, fais-nous un don, car certes Allah agrée des donateurs. Et aussi, on peut retrouver donc ce mot pour, ce mot-là, il sera dans la langue arabe dit, donc, où le ta, donc, va être disparu. C'est-à-dire, le ta ne sera pas là. Donc, on peut dire moussaddiq aussi. Ou bien, moussaddiq, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, dans Surat al-Hadid, verset 18, al-moussaddiqin, ou al-moussaddiqat. Et ici, donc c'est aussi pour celui qui donne, et c'est ainsi pour celui qui va récupérer donc la zakat, qui va récupérer la zakat ou les dons qui sont faits par les ovins, les dons d'ovins. On les appelle aussi moussaddiq. De la même façon que c'est aussi pour celui qui va te croire dans ce que tu vas lui dire. C'est-à-dire que donc, tu crois la personne lorsque quelqu'un te parle, moussaddiq hu fi hadithi. Donc tu le crois dans ce qu'il te dit. Donc sadaqa en arabe, bien sûr, donc c'est l'atiya, c'est le don. Et lorsqu'on dit sadaqa tatawwu, ça c'est pour la langue arabe. Dans le lexique juridique donc musulman, c'est sadaqa ma yukhrijuhu al-insan min malihi ala wajhi al-qurba. Ala wajhi al-qurba. Donc c'est ce que la personne ressort ou donne de ses biens en sorte pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc son niya, son but, son intention, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que zakat? Comme bien sûr la zakat. Voilà qu'un sadaqa fil asli tuqal li mutatawwa bihi. Donc le asr à l'origine, la zakat elle est dite, donc la, ou plutôt la sadaqa elle est plutôt mentionnée pour celui qui va le faire de son propre gré. C'est pas un ordre qui a été donc instauré de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la zakat. La sadaqa, à l'origine. Donc la zakat, c'est bien sûr pour ce qui est obligatoire, contrairement à la sadaqa. Mais on peut appeler aussi la zakat sadaqa. Pourquoi la zakat a été appelée sadaqa? C'est parce qu'elle est donnée, et la personne recherche aussi quoi? Elle donne cette zakat, pas parce que simplement elle y est forcée, mais elle le donne aussi avec vérité. Elle le donne tout en recherchant aussi la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne le donne pas parce que juste elle se dit si je ne donne pas cette zakat, si je ne donne rien de cette zakat, je vais être jugé. Mais lui le donne parce qu'Allah l'a dit, il sait qu'il y a un bienfait derrière, et bien sûr recherche la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi Moussaddiq. Donc tatawwa, lorsqu'on a vu qu'ici que c'est un sadaqa tatawwa, c'est nafila. Donc c'est ce qui va être rajouté. Ce qui va être rajouté, donc, il va être autre que ce qui est demandé obligatoirement. Donc là, tout ce qui est sunna, nafil, tout ce qui a été rajouté. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَمَنْ تَتَوَى خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Donc celui qui rajoute de son plein gré est meilleur pour lui. Celui qui fait un ajout de son plein gré est meilleur pour lui. Et on va aussi voir donc, les bienfaits de la sadaqa. Les bienfaits que l'on retrouve dans la sadaqa. En réalité, les bienfaits sont nombreux, ils sont énormes. On ne pourrait jamais citer tous les bienfaits qui existent par rapport à cela. Donc la sadaqa tatawwu tukammilu zakat al-fariida wa tujbilu naqsan. Donc la sadaqa qui est légiférée, donc qui est surérogatoire, elle va venir compléter la zakat qui est fariida, la zakat qui est obligatoire. Car il est possible que la personne ne donne pas ce qu'il faut. Il est possible que la personne ne sait pas quand va-t-elle doit donner, par exemple, 1200 euros, il a donné que 1100 euros. Donc il n'est, on ne va pas dire que sa zakat n'est pas valable, mais elle est manquante. Il manque quelque chose. Donc il a, maintenant, ça c'est à titre d'exemple, ou bien maintenant il a peut-être donné en retard. Donc les hasanat ne seront pas de façon complète. Il a créé. Et elle va, donc cette sadaqa tatawur, elle va venir compléter le manque qu'il y a eu lorsque tu as donné de ta zakat. Et c'est un hadith qui est rapporté par Tamim al-Dari, radiallahu anhu, donc il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc, awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salat. Donc la première chose dont le serviteur va être jugé le jour dernier, c'est sa prière. Fa in kana atammaha kutibat lahu tamma. Et si il a complété, donc elle lui sera écrite complète, de la meilleure façon, c'est-à-dire à l'heure, en groupe, avec donc les obligations, en respectant les piliers, les obligations, en les complétant par les sunan et la khili, avec bien sûr aussi la concentration. Wa in lam yakun atammaha qala Allah azza wa jalla lil malaika anzuru هل تجدون لعبد من تطوع فتكملون بها فريضة. Donc il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, si elle n'était pas complète, Allah azza wa jalla dit aux anges, regardez, est-ce que vous trouvez chez mon serviteur des actes qui sont surérogatoires afin que vous complétiez avec ces œuvres surérogatoires les œuvres qui sont obligatoires. Donc le manque qu'on a dans notre prière obligatoire, par la miséricorde d'Allah, ils sont bien faits, justement complétés. Elles seront complétées par rapport au sunna qu'on fait. Thumma zakat kazalik. Le hadith continue. Donc il y a une continuité. Ça ne s'arrête pas qu'à la salat. Thumma zakat kazalik. De la même façon pour la zakat. Donc qu'est-ce qui va venir compléter la zakat? L'œuvre qui ressemble. L'œuvre qui est de la même origine. De la même nature. Donc les sadaqa. Elle va être les sadaqa que les. L'argent, la nourriture, tous les bienfaits, même le verre d'eau. Donc tous les bienfaits que tu puisses donner à quelqu'un, ça rentre dans la sadaqa. Et ça va compléter le manquement que tu as eu dans ta zakat. Et puis, tous les actes seront de la même façon. Donc si on parlait du hajj, on va parler du hajj qui sera fait maintenant, tatawwu'an. Si la personne fait 2, 3 ou 4 hajj. Donc le premier, c'était le hajj qui est obligatoire. Les autres hajj qui sont donc surérogatoires. La umrah kadhalik. Si tu fais une umrah obligatoire, celles qui après sont surérogatoires. Et si celle qui est obligatoire n'était pas complète, les autres elles vont venir donc compléter celle qui est obligatoire. Celle qui est obligatoire. Et ce hadith, bien sûr, donc il est rapporté par Abu Daoud. Imam Ahmed. Et il est aussi donc considéré comme authentique par Al-Albani rahmatullah alayhi. Donc ça c'est le premier point. Le premier point vis-à-vis des bienfaits de la zakat. Deuxième point, tudfi'u al-khataya wa tukaffiruha. Donc deuxième point, elle va venir éteindre les erreurs, elle va venir aussi donc nettoyer, elle va venir nettoyer en vérité ces erreurs, elle va les faire disparaître. Les hadith Mu'ad radiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et la sadaqa vient éteindre l'erreur comme l'eau vient éteindre le feu. Donc c'est-à-dire une fois qu'on jette de l'eau sur du feu, il n'y a plus de feu. Et si tu fais une sadaqa, tes erreurs elles sont donc effacées. Tes péchés sont effacés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, on sait que les grands péchés demandent une tawba. On sait que les grands péchés font une consigne. Donc il faut que les grands péchés soient... Donc, après les grands péchés, il y a donc cette tawba. Il faut qu'il y ait ce repentir sincère. Et ce hadith aussi, donc, qui est rapporté par le Tirmidhi, considéré comme bon par Al-Albani, rahmatullah alayhi. Dans un autre hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith Hudayfa, fitnatu rajul fi ahlihi, wa waladihi wa jarihi, tu kakfiruha s-sara, wa s-sum, wa s-sadaqa, wa l'amru bin ma'rufi, wa nahyi anil munkar. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, donc la turpitude ou tout ce qui va en vérité venir gêner l'homme, c'est où? Dans sa femme, dans ses enfants, chez son voisin. Il lui sera effacé, donc ces péchés-là, on peut être distrait par la famille, on peut être distrait par rapport aux enfants, on oublie Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on se sent bien avec nos enfants, ça nous fait oublier en vérité le Seigneur subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses voisins, c'est-à-dire les voisins, dans le sens où il faut respecter les voisins, dans le sens où les voisins sont donc souvent mentionnés en même temps que la famille. C'est pas le seul hadith qui mentionne la famille et les voisins en même temps. Ils sont, donc ils ont des droits qui sont tellement importants qu'on les souvent on les allie, donc on va les retrouver mentionnés en même temps que la famille. D'où l'importance des voisins. Et ces péchés-là ou ces manquements-là vont être effacés par la prière, le jeûne, la sadaqa, le fait de recommander le bien et de réprouver le mal. Donc là, on retrouve bien sûr donc les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que les droits humains. On retrouve dans ce hadith les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la prière et le jeûne, qui sont en plus les piliers d'islam, donc les meilleures adorations, qui sont bien sûr les actes les plus préférés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la sadaqa. La sadaqa, donc c'est un lien qui reste fort entre toi et l'humain. Donc on sait que zakat, elle passe avant somme dans les piliers d'islam. Elle est alliée avec la prière. C'est tout le temps ensemble. Pourquoi c'est lié? Parce que la prière, c'est l'ihsan ila Allah subhanahu wa ta'ala. Et la zakat, c'est l'ihsan ila l'abdi. Donc la prière, c'est d'être bon envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la zakat, c'est d'être bon envers l'humain. Car l'islam, elle est venue afin de respecter les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et les droits humains. On ne peut pas donc que croire que cela suffit de respecter que les droits d'Allah. Il y a les droits humains. Il est plus difficile justement de se retrouver avec des histoires avec les humains plutôt que des péchés. C'est-à-dire que contre toi et Allah. Parce qu'Allah pardonne beaucoup plus facilement, mais il est possible que l'humain ne va pas te pardonner le jour dernier. Mais là, la différence. Et aussi recommander le bien et réprouver le mal. Parce que quand tu recommandes le bien et tu réprouves le mal, tu es tout le temps en train de faire attention en vérité à ce qui se passe autour de toi, dans le sens où est-ce que cette chose-là est bien ou mal. Si tu délaisses, donc tu vas bien sûr, en ce moment-là, périr. Tu vas en vérité sombrer et périr. Parce que lorsque tu as décidé de recommander le bien, de réprouver le mal avec ilm, donc avec science, donc c'est une science, c'est pas comme on veut, on ne l'invente pas. C'est une science de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut de la sagesse, il faut de la connaissance et autres. Et pour pouvoir arriver à ça, et ça te permet à toi justement de tout le temps être vigilant. Est-ce que cette chose-là est bien, est-ce que cette chose-là est mal. T'es tout le temps, t'es avec un constant rappel de savoir ce qui se passe autour de toi. Donc toujours, tu vas tout le temps en vérité le mettre en balance, c'est-à-dire vis-à-vis de l'islam. Est-ce que cette chose-là est bien ou pas. Troisièmement, min asbab dukhul al-jannah wa al-itqi min an-nar. Donc la sadaqa, c'est parmi les causes de faire entrer les gens au paradis, ainsi que de les sauver de l'enfer. Donc on voit qu'on a tout le temps avec des choses qui sont très importantes. C'est un hadith d'Aïcha radhiyallahu anha qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc elle a dit: Ja'atni miskina tahmilu ibnatayn laha. M'est venue une pauvre qui porte deux enfants, deux de ses enfants. Fa'at'amatha thalatha tamarat. Elle leur a donné donc trois dates. Elle les a nourris de trois dates. فأعطت كل واحدة منها منهما تمرة. Et elle a donné pour chacune d'entre elles, ou bien pour chacun d'entre les enfants, une date. ورفعت إلى فيها تمرة. Et donc elle a pris la troisième pour elle. Deux enfants plus elle, donc ça fait trois personnes. À chacun des enfants une date, plus la troisième pour elle. Donc elle a levé cette date vers sa bouche, donc elle a ramené cette date vers sa bouche. Et t'as coulé, afin de la manger. Fasat amadha ibnataha. فشق التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. Et donc les enfants ont demandé cette date-là. Ils ont demandé que leur mère leur donne la date. Elle l'a donc et elle a coupé en deux. Donc elle a partagé en deux cette date-là. Et elle leur a donné. Alors qu'elle voulait, elle l'a mangée. C'est une femme qui est pauvre, donc elle est dans le gros besoin de manger. Elle leur a donné. فأعجبني شأنها. Donc j'étais étonné, cela m'a plu. Donc Aïcha raconte que donc, ce cas-là est plaisant. فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Et elle avait sûrement mentionné cela au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, de ce qu'elle a vu. Elle a dit إن الله قد أوجب لها بها الجنة. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala lui a encore obligé par rapport à cet acte du paradis. Donc Allah se rend obligatoire, de quoi c'est un droit obligatoire hein, de la part d'Allah de la faire rentrer donc au paradis. Ou bien il la sauve de l'enfer. Alors que c'est à partir du moment qu'elle est sauvée de l'enfer, c'est pour rentrer bien sûr donc au paradis. L'un, bien sûr, automatiquement amène au contraire de l'autre. Et c'est un hadith rapporté par les mêmes musulmans. Quatrièmement, sadaqa. Tutrilul Jannah, voilà où Béchir est ta main. Quatrièmement, donc bien sûr, on retrouve en vérité le même hadith, ou ce hadith qui est différent. Ce qu'on va revoir justement, parce que c'est qu'on voit qu'on a testé les hadiths qui sont proches, on peut croire que c'est la même histoire, mais on peut aussi comprendre que c'est sûrement deux histoires différentes. Donc la sadaqa fait entrer au paradis, même avec une demi-date. Même avec une demi-date. Et c'est toujours un hadith rapporté par Aïcha radhiyallahu anha où elle dit دخلت علي امرأة معاهنات لها تسأل. Une femme qui est entrée donc qui est entrée chez moi, elle a deux enfants et elle demande, elle n'a pas de quoi manger, donc elle mendie car elle n'a pas de quoi manger ainsi que de quoi donner à manger à ses enfants. فلت تجد عندي شيئا غير التمرات. Et je n'aurais trouvé chez moi que je n'avais chez moi qu'une date. On voit aussi la pauvreté hein, dans la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une seule date. Une seule date. Wa alaykoum salam. Fa'atayatha iyaha. Faqasamatha bayna ibnatayha. Donc, je lui ai donné et elle a partagé cette date entre donc, ses deux enfants, ses deux filles. Wa lam ta'kul minhum. Wa lam ta'kul minha. Wa lam ta'kul minha. Et elle n'a pas mangé de ces dates-là. Elle n'a rien mangé de ces dates-là, parce qu'elle a bien sûr partagé ces dates en deux, elle a donné à ses enfants. Puis elle s'est levée, elle est partie. فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celle dont Allah va éprouver par ces filles-là, par ce genre de filles, de quoi que ce soit, et que cette personne-là soit bonne avec ces enfants-là, ces filles-là, elles seront pour lui donc une parure contre l'enfer, ou bien un mur, c'est-à-dire ça serait un rempart contre le feu. Donc ces filles-là vont être un rempart contre le feu, car la personne elle a été bonne envers ces enfants-là. Et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. Donc, Hafid ibn Hajar rapporte vis-à-vis des deux hadiths qu'on va voir auparavant. Il dit bien que يمكن الجمع بأن مرادها بقولها في الحديث وقلوا فلم تجد عندي غير تمرة واحدة أي أخصاها بها ويحتمل أنها لم تكن عندها في أول حال سوى واحدة فأعطتها ثم وجدت اثنتين ويحتمل تعدد القصة. Lorsqu'on voit les deux hadiths, comment on peut comprendre que c'est sûrement une seule histoire ou bien deux. Et si c'est une seule histoire, elle a peut-être trouvé au début qu'une seule date. Et sûrement en fouillant, Alors retrouver en vérité après deux dates encore, pour arriver à trois dates par rapport au premier hadith. Ou il est possible aussi que ce soit deux histoires différentes. Il est possible que ce soit deux histoires différentes, comme le dit Ibn Hajar dans l'explication du fait. Cinquième point, une asbab najat, une hari yom al qiyam. Donc déjà, on profite déjà, on a vu le profit en vérité dans la vie d'ici-bas. On retrouve encore le fait d'avoir les péchés effacés. Le profit aussi, donc le jour dernier, ou bien le profit, c'est-à-dire après le jour dernier, donc le ou le paradis ou l'enfer. Hein, et là, on voit aussi, donc, bien sûr, à l'intermédiaire, c'est-à-dire entre avant notre paradis, le jour dernier. Donc ce jour difficile, je n'en prie un, comme les savants disent, tellement important qu'il a plus de 80 noms. Le jour dernier, donc il est appelé par énormément de noms que vous connaissez, que vous en connaissez énormément, ils sont souvent mentionnés dans les sourates, voire même ce sont des titres de sourates. Tellement il est important, tellement ce jour-là il est important. Donc le cinquième nom, c'est que ça va être parmi les causes qui vont faire sauver, qui vont en vérité sauver les gens de quoi ? De la chaleur, de la difficulté que l'on retrouve le jour dernier. Et c'est un hadith qui est rapporté par Aqba ibn Amir, radiallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. Donc chaque personne, elle va être sous l'ombre de son sadaqa jusqu'au moment où alors bien sûr elle va juger entre les gens, où il y aura bien sûr donc ce jugement, ce partage entre les gens. Donc chaque personne, elle va être protégée de quoi? De l'ombre de sa sadaqa. Donc la sadaqa, c'est une ombre pour toi. Donc la sadaqa, elle fait partie des catégories d'ombre. On connaît qu'il y a sept catégories de personnes qui vont être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sadaqa, c'est une ombre parmi les ombres. La sadaqa, c'est aussi une ombre donc parmi les ombres. Fawqal yahkumu bayna an-nas. Ou Allah va juger entre les gens. Donc c'est un hadith qui est rapporté par Ahmed. Il est authentifié aussi par l'imam Al-Albani. Il est considéré comme donc, authentique par Al-Albani, rahmatullah alayhi. Donc il est dans une variante, dans une version, inna dhilla al-mu'mini yawm al-qiyamati sadaqa. Certes, l'ombre du croyant le jour dernier, c'est ça, c'est la sadaqa. C'est l'aumône. Wa qala Yazid, ahad ar-ruwat al-hadith, kana Abu al-Khair, rawi al-hadith an 'Uqba, la yuqtihu yawm illa tasaddaqa bihi inni. La yuqtihu yawm illa tasaddaqa bihi bi shay'in. Donc ici, Abu Khair rapporte un de Uqba qui disait que il n'y avait pas un jour où il ne faisait pas sadaqa ce jour-là. Où il ne faisait pas sadaqa. Chaque jour, il faisait sadaqa. Tellement il connaissait l'importance de ça. Tellement il connaissait l'importance et la valeur de ça. Car il veut être protégé en vérité le jour dernier par cet homme. Donc tous les jours, il donne quelque chose. C'est pas obligé que ce soit énorme. Il n'y a qu'une geste. Et bien sûr, l'intention. Le fait de donner, ne serait-ce que par, comme on l'a vu avec le hadith, ne serait-ce que la moitié d'une date. Hein, ne serait-ce que la moitié d'une date. Tous les jours. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ahad as-sab'a alladhina yudhilluhum Allah fi dhillihi yawm al-qiyamah yawm la dhilla illa dhilluh. Donc il dit aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à l'un des sept catégories de personnes qui vont être protégées de l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, le jour où il n'y aura pas d'ombre sauf son ombre, sauf cette ombre-là, voilà, je vous sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimalahu ma tunfiqu yaminahu ma ta'lamu shimalahu ma tunfiqu yaminahu. Donc un homme qui va donner une sadaqa, qui va donner de l'aumône surérogatoire, dont la gauche ne sait pas ce que la droite a donné. C'est-à-dire qu'en vérité, la personne, elle donne sans compter. Elle le donne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Elle donne pour être protégée. Elle donne afin de recevoir les hasanat. Mais c'est pas pour autre chose. C'est ça que ça veut dire lorsqu'on dit la droite ne sait pas. C'est pas par rapport où tu ne sais pas, tu as mis la main dans la poche, c'est-à-dire aveuglément, tu as donné, tu ne sais pas combien tu as donné. Même si tu sais combien tu as donné. Mais ça ne compte pas. Toi, ce qui compte pour toi, c'est de recevoir ce qui va être, bien sûr, donc, de recevoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc autre chose. Cette récompense qui est énorme. Sixième point. Et là aussi c'est important. Donc là c'est bien sûr par rapport au bénéfice de la vie d'ici-bas. Donc la sadaqa, c'est parmi les causes du fait qu'on va vaincre. Hein, du fait que les gens vont vaincre. Nasr, Donc c'est le fait de vaincre. Ou le reste, la subsistance. C'est aussi la subsistance. C'est le hadith de Sa'd. Radiallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu qala, هل تنصرون وترزقون إلا بالبيب إلا بدعفائكم. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc n'est-ce pas que vous allez donc vaincre et que vous allez recevoir la subsistance que par vos pauvres, que par le biais de vos pauvres. Hein? Donc, bien sûr, le hadith il est plus long que ça. Parce que le hadith il dit bien par rapport à leur ikhlas, par rapport à leur salat, hein, aussi par rapport à leur doigt, par rapport à leur sincérité, par rapport à la salat, par rapport à leur doigt. Et c'est aussi par le fait que, donc bien sûr, car les du'afa, les faibles, hein, justement, c'est des gens dont, en vérité, il faut énormément prêter attention. Ce ne sont pas des gens, en vérité, qu'on doit délaisser, qu'on doit, en vérité, ne pas prêter attention, ne pas s'accrocher à lui comme s'il n'existait pas. Donc, souvent, on a l'intention de faire attention plus qui. On est souvent en train de remarquer celui qui a plus de sous, celui qui a plus de ceci, celui qui est plus riche, la khélé. C'est souvent ça. Mais le pauvre, il devient insignifiant. Alors qu'en vérité, c'est une cause parmi les causes de te faire rentrer au paradis, ce pauvre. Il est plus à même de te faire rentrer au paradis que le riche. Parce que justement, tu vas être bon envers lui. Tu vas être bon envers lui, donc en vérité, c'est un bien pour toi de le rencontrer. C'est un bien pour toi de rencontrer ce pauvre. Donc, par rapport à ce hadith-là, pourquoi ? Donc, comme le dit Ibn Battal, rahimahullah, il dit bien que car les pauvres sont plus sincères, ils ont plus de sincérité dans leur invocation. Et ils sont plus concentrés, sont plus humbles dans l'adoration. Car leur cœur est exempt d'accrochement envers la vie d'ici-bas. Ils ne sont pas accrochés envers ce qu'il y a dans la vie d'ici-bas. Donc celui qui a beaucoup de biens, imaginez-vous, énormément de voitures à vendre, il a des biens, il a des magasins, même dans sa prière, il est en train de penser peut-être à ce qu'il a vendu, à ce qu'il doit encore vendre, comment il voudrait faire la journée, la khélie, comment il a fait hier, si ça marche mal, c'est un mois difficile, la khélie. Il suffit de voir, même si on ne le voit pas, dans les quartiers, dans les endroits où, dans les assoirs, dans les souks, dans les marchés, ou dans les supermarchés, dans les pays arabes, où, alhamdoulilah, ils ferment pour la prière. Et c'est les commerçants, donc ceux qui vendent. Souvent, donc ils arrivent pour prier, et dès que la prière se termine, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se lèvent très rapidement, ils foncent pour ouvrir le magasin. Même pas les quelques minutes de askar, donc ils voient, ils sont arrivés au point où ils s'imaginent que les quelques minutes de rappel vont leur faire perdre de l'argent. Donc on voit qu'ils sont en réalité loin. Si dès qu'ils se lèvent, ils se foncent, donc ils accélèrent le pas pour aller directement ouvrir le magasin, c'est bien pour dire que pendant la prière, ils ne pouvaient pas avoir cette concentration. Parce que parmi les preuves de la concentration dans la prière, le fait justement d'avoir le khushu' dans cette prière, c'est que tu restes encore dans ta prière. C'est que tu n'es pas détourné. Tu vois que tu es encore dans cette concentration. Le khushu' il ne vient pas disparaître comme ça, genre, tout de suite. C'est au même moment. Dès qu'on dit salam, le khushu' a disparu. Non, il y a encore. Les traces du khushu' vont encore être retrouvées. La personne avec ce khushu' là, elle va continuer le rappel dans l'instantané. Donc il n'est pas possible de passer d'une étape où tu es totalement concentré dans ta prière, et dès que tu dis salam, la concentration a totalement disparu. Elle va être, en vérité, elle va partir mais en diminution, mais elle va pas être cassée comme ça. Et ça, c'est parmi les preuves, justement, du khushu de la personne, en vérité, dans sa prière. Après sa prière, on voit les traces de son khushu encore. Et ceux qui sont accrochés à la dunya, on les voit pas justement comme ça. Ils sont tellement, en vérité, concentrés dans les comptes, dans les chiffres, dans la vente. Ils sont énormément, en vérité, concentrés dans ces choses-là. Et aussi, Anas rapporte, Radhi Allahu anhu, qui dit, « Kana ikhwan al-ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa kana ahaduhuma ya'ti bi nabi sallallahu alayhi wa sallam, wal akhar yahtarifu, fa shaka al-muhtarifu akhahu ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa qala, la'allaka turzaqu bihi. » Et c'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi et est considéré comme bon, comme authentique par Al-Albani. Donc Anas rapporte qu'il y avait deux frères et un, bien sûr, qui venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'autre, bien sûr, donc, travaillait. Il travaillait dur, donc il travaillait quand même assez donc, durement. Et celui qui travaillait est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour donc, se plaindre de son frère qui ne faisait pas grand chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, donc certainement, tu reçois cette subsistance de sa part, de par lui. Car cette personne-là, donc, elle passe bien sûr son temps à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle passe son temps à l'apprentissage de la religion. Donc en vérité, par ces doigts, tu profites en vérité de ton risque. Ton risque, il est sûrement donc, venu parce que ton frère fait doigts pour toi. Parce que ton frère, justement, fait ces doigts-là. Donc c'est une preuve que cela, c'est un quoi? C'est un sabab du risque. C'est un sabab de la subsistance. Mais ça ne veut pas dire par là qu'il ne faut pas travailler et attendre que c'est les autres qui nous ramènent. Ça ne veut pas dire ça. Bien sûr. Mais c'est pour nous dire qu'en vérité, donc les gens, des fois, qui n'ont peut-être pas grand-chose, sont importants. Ils restent importants. Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, on sait bien qu'ils marchaient avec eux, ils les prenaient par la main. Il a fait comment était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc il a demandé à Allah qu'il le fasse, bien sûr. Donc vivre, hein, comme ça. C'est-à-dire parmi, avec les pauvres. Septièmement, as-sadaqa tu'awwid al-muslim ala sifat al-jawd wa al-karam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc le sadaqa plutôt, le titre c'est que donc la sadaqa, septième point, elle habitue le musulman à être généreux, à avoir cette générosité. Elle habitue, donc ça devient donc quelque chose de naturel dans ta vie. C'est des gestes qui deviennent naturels, habituels. C'est pas des gestes qui sont lourds ou avant de donner on réfléchit mille fois. Des fois on a l'intention de donner et on ne donne pas. Donc c'est pour ça que Hassan al-Basri, donc il dit, donc une parole qui est rapprochée, donc il dit, rahmallah, que lorsqu'il voulait faire un bien, il le faisait tout de suite, de peur que quelque temps après, il est possible que l'ania change, alors qu'il délaisse cette chose-là, sans presser à faire. S'il avait décidé donc de faire un sadaqa, et sans presser à la faire, car à ce moment-là, il avait l'envie. Donc c'est dès qu'on a envie de faire un bien, il faut qu'on le fasse, et spécialement justement pour apprendre ces sadaqas, parce qu'il est possible que aujourd'hui je l'ania, puis demain ben, je vais marcher quelque chose avec cet argent-là. On a besoin pour acheter autre chose. On trouve une excuse afin de acheter quelque chose qui va, enfin encore une fois, remplir notre demeure de les choses de la vie d'ici-bas. Voilà, absyani ala zawi al-hajat. Donc bien sûr, donc ça fait sa habitude d'avoir, des liens, d'être touché, donc en vérité d'être touché par rapport à ceux qui sont dans le besoin. Donc on prête attention à ceux qui sont dans le besoin. Et on est donc, bien sûr, touché par ces gens-là. Et en fait, on se rapproche d'eux. Rahma il fuqara. Et on sera aussi, bien sûr, miséricordieux envers les pauvres. Miséricordieux envers les pauvres. Huitième point. Sadaqa. Tahfaz al-nafs anishouf. Sadaqa, bien sûr, elle va quoi? Protéger, donc le fort intérieur, cette âme de l'avarice. Elle va protéger cette âme de l'avarice. Allah Azza wa Jal dit bien, donc ceux qui se protègent de l'avarice, hein, ceux qui protègent l'âme de l'avarice, sont ceux, bien sûr, sont réellement ceux-là les bienheureux, les gagnants. Ce sont bien, sont eux réellement les gagnants. Car il va justement, bien sûr, donc, il va faire des efforts contre son nefs, justement contre le fait d'être avare, dans le fait d'être avare. Et on retrouve plusieurs tafsirs en vérité dans ce verset-là. Donc qu'est-ce que c'est le choix en vérité? C'est même plus fort. Donc c'est plus grave que l'avarice. Le choix qu'on a là, donc c'est plus grave que l'avarice. Parce que el-bukhl, c'est le fait de ne pas donner tout simplement. Mais choix, non seulement on ne donne pas, mais en plus on profite des autres. Donc, moi j'ai, mais maintenant j'ai voyagé avec quelqu'un, j'ai telle somme, j'ai pris une somme pour mon voyage, lui il a pris une somme pour son voyage, et je profite que c'est toujours lui qui paye. Donc non seulement j'ai pas dépensé, je suis resté avare, mais en plus j'ai profité de l'autre. J'ai pas voulu dépenser pour garder un mission. Donc ça c'est non seulement on ne s'arrête pas qu'à soi-même, comme le bourg, mais en plus on entre dans le monde de l'autre. On entre dans le monde de l'autre où on profite de l'autre. On va profiter en vérité de l'autre. Donc non seulement on ne donne pas, mais en plus on prend. Non seulement on ne donne pas, mais en plus qu'est-ce qu'on fait? On prend. Alors qu'on n'a pas, alors qu'on ne doit pas prendre. Parce que celui qui a, lui est interdit de demander. Celui qui a ne doit pas demander comme s'il n'avait pas. Donc, il est interdit de demander si on a, si on en a les moyens. Neuvième point, le sadaqa. Tajdubus le baraka wa ziyada wa al-khalaf yani d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le sadaqa, elle va quoi? Elle va amener, donc elle va attirer la bénédiction. Le rajout, hein, et aussi bien sûr quelque chose qui va venir en retour de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit bien وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرٌ لِلرَّازِقِينَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est Allah qui donne. Déjà si la personne a bien compris que c'est Allah qui donne, il ne s'inquiète pas, parce que ce qu'Allah va te donner, c'est sûr qu'il va te le donner. Et c'est protégé. Et c'est pour ça qu'il est demandé de ne pas s'accrocher aux gens et à ce que les gens ont dans leur poche. Parce que l'hypothèse que tu vas rien recevoir, c'est son esprit à lui, l'hypothèse que tu n'auras rien. Donc on ne s'accroche pas aux gens. Et à ce que, on s'accroche surtout, c'est-à-dire la personne, elle a son coffre, elle a ses sous, elle a son portefeuille, là, le coffre d'Allah qui ne termine jamais, il est beaucoup plus sûr. Quand il va t'arriver, il va t'arriver. Et Allah ce matin, il est bien plus sûr que cette personne-là. Et c'est pour ça que les poètes disaient, parmi les poètes arabes, ils disent de ne pas être donc attiré fortement par ce que a, ce que ont les gens dans leur poche, car ce qu'Allah a est beaucoup plus sûr. Hein, et beaucoup plus sûr. Parce que si Allah t'a décrété telle somme, t'inquiète pas, tu l'auras. Donc il n'y a pas besoin de quoi de commencer à réfléchir, c'est-à-dire avec des réflexions qui sont autres, qui sont interdites dans l'islam, pour essayer d'avoir ce que on retrouve en fait dans la poche des gens. Et ça rentre dans le chouh. C'est le chéhin justement qui essaye de convoiter ce que les gens ont dans leur poche. Donc Allah Azza wa Jalla dit ici, tout ce que vous donnerez, Allah vous le rendra. Donc déjà Allah, il vous l'a dit, il va vous le rendre. Donc il n'y a pas de problème. Allah il va te le rendre. Hein? Et c'est le meilleur des subsistants. Donc c'est le meilleur de ceux qui donnent Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a personne qui va donner mieux que Allah subhanahu wa ta'ala, de la meilleure façon. Il va te le donner ou dans la vie d'ici-bas, ou bien même dans l'au-delà, même si tu ne l'as pas donné dans la vie d'ici-bas. Mais tu vas recevoir, ou ici, ou dans la vie d'ici-bas. Ou il va te le donner, même si c'est équivalent, ou même si c'est autre. Il va peut-être Allah subhanahu wa ta'ala, aussi par cela, il peut aussi te protéger d'un mal qui pouvait t'arriver, il va te protéger de ce mal. Tu devais payer autant, Allah il va te faciliter pour que tu ne payes pas autant. Mais enfin, il t'est arrivé tel ou tel problème, et tu n'auras pas payé. Il est possible aussi. Donc il y a trois façons de recevoir par rapport à ça. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira qu'Allah ta'ala infiq ya ibn Adam, donne au fils d'Adam, infiq alayk, moi je te donnerai. Donc Allah, c'est Allah qui dit donne fils d'Adam, n'aie pas peur de donner, moi je te donne. Donc à partir du moment que c'est Allah qui le dit, d'où peut venir la peur? En vérité, d'où peut venir la peur? Elle revient à Adab Tawakkul. La peur va revenir au fait que les gens n'ont pas confiance, ou bien n'ont pas assez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la confiance, elle est placée où? Dans le verset le plus important du Coran. Ou bien dans le verset plutôt qui va englober tout le Coran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On dit ça. On dit bien à Allah qu'on t'adore, c'est toi seul qu'on adore et c'est toi seul dont nous demandons de l'aide. Et cette aide-là, c'est tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la moitié de la religion. Comme le dit Cheikh Islam ibn Taymiyyah ou bien comme le dit Ibn Qayyim. Cheikh Islam ibn Taymiyyah dit bien qu'il a regardé tout ce qu'il y avait dans le Coran, et il a retrouvé que tout ce qu'il y avait dans le Coran était entré dans ce verset. Et donc, ce verset va englober tout ce qu'il y a dans l'islam, ce verset-là. Et c'est pour ça que son élève Ibn Qayyim à ce moment-là, donc il a écrit Madajaj al-Salikin, Imanzilati Iyakan Abudua, Iyakan Astain. Iyakan Astain, c'est justement donc cette moitié de religion. Donc le fait de quoi? De placer totalement sa confiance en Allah. Et celui qui a compris ça, donc en fait il a tout compris, il a déjà la moitié de la religion. Donc vous voyez que Allah, il le dit bien. Je vais te donner. Donc la personne à ce moment-là, c'est sûr que tu vas recevoir. C'est sûr que tu vas recevoir de la part d'Allah Azza wa Jal. Tu vas avoir quelque chose en retour. وقال يد الله ملاء لا يريدها نفقة سحاء الليل والنهار. Donc il dit, certes la main d'Allah elle est remplie. Elle est remplie, elle se tient en vérité, jamais elle diminue. La main d'Allah est remplie, jamais elle ne diminue. Il n'y a personne qui est plus riche qu'Allah. Et jamais elle diminue. Et l'aumône ne va pas la diminuer pour ceux qui donnent donc la journée et la nuit. Pour ceux qui donnent la journée et ceux qui donnent la nuit. Et il dit aussi donc, Raytum ma anfaqa mundu khalaqa as-samawati wal-ard. Donc c'est Allah qui dit toujours ça, Raytum yani ma unfiqu mundu khalaqa as-samawati wal-ard. Donc il dit bien à Allah, voyez-vous ce que j'ai donné depuis que j'ai créé les cieux et la terre. Sahlala. Une personne, on va dire, il est riche celui-là, une personne. Combien de milliards de personnes il y a? Combien de milliards de personnes qui sont mortes qui ont été aussi milliardaires ou millionnaires, hein? Combien de personnes qui vont venir après nous? Et c'est Allah qui a donné à tout le monde. Nous, on peut s'imaginer que la grosse somme, imaginez d'une personne, d'un grand sultan, de quelqu'un qui a des châteaux et des comptes en banque et de l'or et tout ce que vous voulez. Déjà, pour nous, ça c'est déjà énorme. Alors imaginez-vous tout le monde réuni, et de Adam jusqu'au dernier. Et c'est Allah qui a donné, sans compter. Et ça n'a rien diminué à quoi? À ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. Rien du tout, en quoi que ce soit. Donc c'est une preuve que on doit totalement revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout le monde, le riche des riches, il est pauvre par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est totalement en vérité démuni par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu lam yaghdi ma fi yadihi. Car rien ne va en vérité diminuer de ce qu'il y a dans ses mains. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Et son trône était au-dessus des cieux. Au-dessus à fond de l'eau. Était donc au-dessus de l'eau. بِيَدِ الْمِيزَانِ. Et entre ses mains, donc la balance. يَرْفَدُ وَيَرْفَعُ. Il élève, donc il abaisse et il élève. Donc Allah il donne à qui il veut. Il abaisse, il élève. C'est Allah qui en vérité qui décide de tout ça. C'est Allah qui va décider de cette subsistance. Donc on voit qu'en vérité on ne peut que revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala dans ce domaine. Wallah al muslim yaminullah mala'u. Dans une version du muslim, donc c'est la main, la droite d'Allah est remplie, remplie, est remplie. Donc en vérité, ça c'est une leçon d'Aqidah pour nous. C'est une leçon d'Aqidah pour nous vis-à-vis de l'aumône d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi, donc ce hadith bien sûr qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith où Abu Huraira rapporte de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'azza illa 'izzan 'afwan yadlu ishtamadu illa 'izzan wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'a. On s'est hadith rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc, aucune aumône ou bien aucun bien ne diminue par l'aumône. Même s'il a diminué, c'est-à-dire en vérité, vis-à-vis de toi, de ce que tu vois. Tu avais 100, tu avais 200 euros, tu as enlevé un billet de 20 euros, tu as donné. Donc tu restes ou bien 80 ou bien 180, selon la somme. Donc à tes yeux, elle a diminué, mais en vérité, elle n'a pas diminué. Elle a diminué en vérité, chrétienne, hein, de ce que tu vois. Mais en réalité, elle n'a pas diminué, parce qu'Allah dit qu'il n'a pas diminué. Hein, donc en vérité, tu sais qu'ils sont quelque part d'autre, mais ils sont toujours à toi. Bon, toi tu les as donnés. Alors, ou tu vas les recevoir, ou bien tu vas donc recevoir mieux, mais sur le jour dernier ou quoi. Donc ils sont tout le temps là. C'est comme s'ils n'étaient pas en vérité perdus. Et Allah, donc bien sûr, chaque Allah rajoute, donc donne, augmente la personne, c'est-à-dire de pardon, Allah, à chaque fois que la personne pardonne, Allah l'élève en notoriété, en le fait d'être noble, en notabilité. Donc Allah va l'aider, justement, on va l'élever dans sa notabilité. Et à chaque fois qu'une personne va être humiliée, va être humble, hein, pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va l'élever. Parce qu'il va être mutawadi lillah. Mutawadi lillah. Et sadaqa, ça rentre dans, justement, en vérité, dans ces principes-là. Parce que lorsque tu donnes, Tu as aidé parce que tu as aidé la personne, parce que donc tu es miséricordieuse envers cette personne. Tu as justement cette afwa près de cette personne. Et aussi, tu es humble. Parce que souvent, les gens ne donnent pas aussi même par orgueil. L'orgueil, des fois, t'empêche hein, de venir donner, de venir te déplacer, ma femme, et de donner, de rester humble, et de la donner à la personne pour Allah ce matin-là. Donc ça va enlever même en toi, en réalité, cet orgueil. Parce que tu préfères rester riche pour t'élever, en restant orgueilleux. En restant orgueilleux. Et toujours, et ça c'est un important du fait qu'on va dire, on se lève avec tous les jours, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc, « Ma min yawmin yusbihu l'ibad fihi illa malakan yanzilan » Chaque jour où les serviteurs donc, se lèvent, le matin, où il y a deux anges qui descendent. Deux anges qui descendent. Pour chaque serviteur, deux anges qui vont descendre. Pour tout le monde. Des milliards de personnes, des milliards de gens, d'anges. Imaginez-vous. Fayaqul ahaduhuma, l'un d'entre eux dit, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma donne, donc à celui qui va donner, celui qui va donner de la sadaqa, munfiq, donc c'est celui qui fait une donation, khalafa, quelque chose en retour. Wayaqul akhar, et l'autre dit, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Et donc Allah donne à celui qui se retient de donner talafa. Talafa, c'est tout ce qui va être perdition. C'est tout ce qui va. Donc ça serait un mal. Il va perdre de l'argent. Il va lui arriver justement donc, un malheur parmi les malheurs. Parce qu'il n'a pas donné. Tous les matins, les anges ne viennent pas une fois par an. Ils ne viennent pas faire le premier ramadan. Ils viennent en vérité tous les jours. Et tous les jours, la même chose. Donc celui qui compromet ce hadith, il doit se dire bah, tous les jours, je vais donner. Si vraiment il pense à ses anges tous les jours et qu'il ait peur et qu'il a envie non seulement de recevoir de la grâce d'Allah encore mieux, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'aura pas peur de poser. Il n'aura pas peur de poser. Dixième point. Tashrahu soudour. Wa tutri soudour yani al munfiq. Donc la sadaqa elle va quoi? Elle va élargir. Donc elle va en vérité élargir cette poitrine. Et elle va aussi, bien sûr, faire plaisir à celui qui donne. Donc, celui qui donne se fait plaisir en vérité. Donc, il va être joyeux de ce qu'il a donné. Ben, il va être joyeux parce qu'il a donné. Et ça, c'est parmi les fawaid que Ibn Qayyim donne par rapport au fait de donner. Donc, il dit bien que souvent, ceux qui donnent, donc énormément, sont ceux qu'on retrouve, c'est eux qui sont en vérité les plus ouverts vis-à-vis des gens, ce sont les plus généreux, les plus heureux. Mais tandis que celui qui est avare, donc il se sent mal, il est d'ailleurs donc il est en vérité stressé, il est pas bien. On voit vraiment que cette personne-là vit mal. Cette personne-là vit mal parce qu'en vérité elle est avare. Et c'est en plus, alors qu'on voit bien dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète donc il fait bien doua, il demande bien, Allahumma inna a'udhubika min al-bukhli wa al-jubn. Donc il fait bien la liaison, le prophète sallam dans la doua, où il dit, oh Allah, protège-moi contre l'avarice et donc le fait de la lâcheté. Car l'avare est un lâche. Si déjà il ne veut pas dépenser son argent, alors jamais il va dépenser de son corps, encore moins pour Mathan et de l'islam. Si déjà son argent, il n'ose pas la dépenser. Et pourquoi il y a cette liaison? Pourquoi cette relation? C'est parce que l'avare est lâche. Donc c'est de la lâcheté d'être avare. C'est pas un signe, c'est pas justement un bon comportement que le musulman doit avoir. Ça ne serait pas partie des comportements qui sont demandés, bien sûr, chez le musulman. Onzième point, As-sadaqa tulhiqu al-muslim bil-mu'min al-kamil. Donc là, on voit qu'on parle d'une foi qui va augmenter. On va parler d'une foi qui va augmenter. Donc la sadaqa, elle va faire que le musulman atteindra le degré du croyant complet. Donc le croyant qui a la foi complète. Où Anas radiallahu anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qal li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Donc le hadith qui est rapporté par Muslim dans Kitab al-Iman, où il dit prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne d'entre vous ne sera véritablement croyant que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Mais dans une variante, pour son voisin. Pour son voisin. Donc le musulman, donc on voit que le musulman, s'il veut aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, on aime énormément pour soi-même et bien fait. On aime énormément pour soi-même de bien manger, de bien boire, de pouvoir dormir au chaud et la khélie. Donc on doit aimer pour notre frère ce que l'on aime pour lui-même. Et pour arriver à ça, pour celui qui n'a pas les moyens, donc ce qu'il suffit de faire, il suffit en vérité de l'aider. Il suffit de lui donner pour qu'il puisse justement lui aussi bien manger, bien boire, bien se vêtir ou autre, se chauffer et autre. Et ça fait partie de la foi. Donc ça amène à quoi une foi complète. Parce que dans ce hadith, il dit bien, personne ne sera véritablement croyant. Dans le sens où personne n'aura la foi complète. La foi complète que s'il aime pour son frère ce qu'il aime en vérité pour lui-même. Et aussi, donc la sadaqa, bien sûr, yahsulu biha qada al-hajat. Donc la sadaqa, donc, elle va être en vérité une cause où Allah Azzawajal va t'aider dans tes affaires. Allah Azzawajal va bien sûr t'aider dans tes difficultés. Lorsque tu auras des difficultés, lorsque tu auras des choses à faire, le fait que tu te fasses sadaqa, Allah il va te faciliter en vérité ta vie. Allah il va te faciliter dans tes entreprises. Donc le fait d'aider les gens qui sont dans la difficulté, bien sûr, le fait de protéger des gens qui auraient fait des erreurs, des péchés, ou tu leur aurais peut-être fait conseil mais tu ne l'as pas dit aux gens, donc tu as caché ces défauts, tu as caché les défauts de ton frère et autres. Et tout cela va faire qu'Allah révèle, il va faciliter ta vie, il va te faciliter dans tes entreprises de ta vie, dans ce que tu vas ramener, dans ce que tu vas faire dans ta vie, entreprendre. Et c'est un hadith qui est rapporté par les mêmes musulmans. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man nafasa al-mu'minin kurbatan min kurabi al-dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyam. Donc celui qui va faciliter, celui qui va faciliter une personne qui était dans la difficulté dans cette vie ici-bas, Allah va lui faciliter aussi donc ses difficultés, donc il va lui faciliter une difficulté parmi les difficultés du jour dernier. Alors, on sait bien que les difficultés du jour dernier, elles sont bien plus importantes, plus graves. Elles sont plus difficiles à accepter. On ne peut pas en vérité les supporter. Elles sont plus difficiles à supporter que celles qui sont dans la vie d'ici-bas, celles qui sont dans l'au-delà. Et celui qui facilite quelqu'un qui est dans la difficulté, Allah lui facilite dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Et celui qui cache les défauts de son frère, Allah lui cache ses défauts dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ça, c'est important, ce point-là. Du fait que les gens mélangent entre le fait de détester alors, cette chose-là et de croire qu'il faut le dire à tout le monde. Là, il faut lui parler à lui et bien sûr, pour lui faire la siha afin de le corriger, parce que ça fait partie de celui qui est totalement sincère, réellement sincère. Il ne sera ni jaloux de cette personne-là, ni envieuse, ni il aura de l'animosité de cette personne-là, parce qu'il est parti le voir. Ça c'est vraiment un dalil, c'est une preuve de ton amour envers lui, si tu vois qu'il y a un défaut, si tu vois faire des choses qui sont mal. Tu lui parles, et tu le caches, et tu ne le dis pas aux autres. Et ne crois pas que si tu ne l'as pas dit, tu as manqué à ton devoir religieux. Non, au contraire, tu as justement bien fait. Parce que tu as caché le défaut de ton frère. Tu lui dis en face. Donc il ne faut pas mélanger entre le fait de croire que j'aime la religion, alors je le dis aux gens, vous savez ce qu'il a fait, c'est grave, c'est pas bien. Dans quel sens c'est mauvais de le dire aux gens? Dans le sens où, donc tu l'as montré en public. Alors que peut-être que lui, il n'avait pas montré comme ça en public. Mais toi, tu l'as su maintenant. Donc c'est toi qui as fait le rôle de montrer cette chose-là en public. Et le fait de montrer en public, c'est haram. C'est interdit. C'est parmi justement les plus grands péchés. De montrer les choses en public, de montrer nos défauts, c'est-à-dire devant tout le monde. Deuxièmement, tu entres aussi comme si en vérité toi tu étais donc quelqu'un de pieux. Donc tu peux entrer dans le rire, dans l'ostentation. Parce que la personne qui est en face, elle va croire que toi tu ne fais pas ça. Et ça se peut que tu le fais. C'est pas parce que tu dénigres ce qu'il fait que ça se peut que vraiment tu le fais pas. Donc en vérité aussi, on peut comprendre le contraire. Que toi en vérité tu es protégé de cela. Donc ça justement, c'est parmi les sifat des khawarij, d'aimer en vérité dénigrer les gens en public. c'est justement d'aimer les dénigrer justement les gens en public, de montrer. Donc en vérité, tu vas, sans savoir, être imbu de ta personne. De toujours vouloir dire, c'est grave ce qu'ils font, ah lui, Allah histor, des choses comme ça, comme si toi tu étais parfait. Et ça, c'est pas un, ça, c'est pas un comportement. C'est pas justement un comportement. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bien, c'est-à-dire, ô peuple de ceux qui croient avec leur cœur, qui croient avec leur langue, mais ne croient pas avec leur cœur, ne suivez pas en vérité, donc quoi, les défauts de vos frères. Ne suivez pas les défauts de vos frères. Parce que celui qui suit le défaut de son frère, Allah va montrer, donc il va suivre ses défauts, il va les montrer, même si tu étais caché dans la pièce la plus reculée de ta maison. Hein, dans la pièce secrète de ta maison. Là où tu mets ton coffre, là où tu mets tes souvenirs, là, vraiment ta chambre, ma femme ou autre. Vraiment la pièce la plus secrète en vérité qu'il y a dans ta maison. Allah, il va te fardar. Il va te montrer. Si Allah, il te montre au public, il n'y a pas pire que ça. Parce que les gens, ils vont te détester réellement. Parce que si Allah, il te dévoile en public, donc ça sera bien sûr, ça sera pas un amour, mais ça sera donc une haine de la part d'Allah, ou une colère de la part d'Allah, et il va entrer cette colère et cette haine dans le cœur des gens. Parce que, donc il n'y aura pas pire que ça. Il n'y aura pas pire en vérité que de recevoir ça. Donc il faut faire attention. Et ça, c'est le droit de l'humain envers l'humain. Et le droit de l'humain envers l'humain, il est très important en islam. Il est trop important. C'est pour ça que chaque sourate qu'il y a dans le Coran mentionne le droit d'Allah, il mentionne le droit de l'humain. Il mentionne le droit d'Allah, il mentionne le droit de l'humain. Chaque sourate, il y est mentionné les adorations que tu dois faire et aussi comment tu dois te comporter avec la personne. Chaque sourate. D'où, donc, l'importance de cela. Wallahi fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni al-akhih. Et Allah va aider donc le serviteur tant que le serviteur aide son frère. Donc là on voit le contraire de là. Au lieu de lui faire du mal à ton frère, aide-le. Donc cette aide là, ça serait justement ma femme dans toutes les choses. Donc l'aide elle peut être, comme on l'a dit, physique, mais elle peut être aussi morale. Donc à toi d'aller voir ton frère justement, de le conseiller, de l'aider, l'akhiri. De l'élever en degré. De l'élever en degré, mais de ne pas le rabaisser. Si tu rabaisses ton frère en islam, tu rabaisses l'islam en lui-même. Parce que lui, c'est un élément parmi les éléments de l'islam. C'est un être humain parmi ceux qui représentent l'islam. Donc il ne faut pas en vérité faire ça. En vérité, tu aides Shaitan contre ton frère. Tu ne fais rien d'autre que ça. Et tu vas amener la division. Et si tu amènes la division, donc fais-tu vraiment partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Fais-tu partie de ceux qui sont élevés dans cette parole de Ahl Sunnah wal Jama'a. Pourquoi on dit Ahl Sunnah wal Jama'a? Sunnah, dans le sens où tu fais ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait. Wal Jama'a, donc tu fais tout ce qui va protéger cette entité. Tout ce qui va protéger cette entité. On a bien sûr parmi les meilleurs exemples, l'imam Ahmed. Parce que il a été donc torturé, il a khéli, emprisonné, et il a toujours protégé. C'est pourquoi on l'a appelé justement Imam Ahl Sunnah wal Jama'a, la Sunnah, parce que il n'a pas changé la parole, ou dans le sens où le Coran c'est la parole d'Allah, il n'a pas dévié de cette parole-là, donc il a protégé la Sunnah wal Jama'a, dans le sens où il a protégé aussi le groupe, afin que le groupe ne se divise pas. Afin que le groupe ne se divise pas. Donc si tu es un sabab parmi les sababs de la division des groupes, sache que tu as quoi manquer à quoi, à ton rôle, hein, de protection de Wal Jama'a. De Wal Jama'a. En vérité, tu as un manquement, donc tu fais partie de ceux qui divisent. Et tu ne fais pas partie de ceux qui, en vérité, qui rejoignent. Donc ça entre, en vérité, dans cette nomination. Les autres hadiths où Ibn Omar rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَةِ » Et celui qui, donc, qui aide dans la difficulté de son frère, ou bien dans l'entreprise de son frère, Allah l'aide aussi dans son entreprise. « وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمِينَ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » Et celui qui va, donc, bien sûr, enlever une difficulté du musulman, Allah, bien sûr, va enlever sa difficulté. Parmi les, donc il va lui enlever une difficulté parmi les difficultés du jour dernier. Et celui qui va cacher les défauts du musulman, Allah va cacher ses défauts le jour dernier. Qui de nous ne veut pas ça? Qui de nous veut que réellement tout le monde voit ce qu'on a fait dans notre vie? Combien de gens on a fait? C'est vraiment pas bien. Donc on ne veut pas que les gens sachent. Et le jour dernier, c'est pas devant 5 personnes ou 30 personnes, hein, que l'on connaît. À ce moment-là, c'est... C'est tout le monde. C'est tout le monde. Treizièmement, sadaqa min asbab rahmatillahi ta'ala lil 'abd. Treizièmement, donc la sadaqa, c'est parmi les causes de la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs. Il dit qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, la yarhamullah man la yarham an-nas. Donc c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Allah ne fait pas miséricorde envers celui qui ne fait pas miséricorde envers les gens. Donc celui qui ne fait pas miséricorde envers les gens, Allah ne lui fait pas miséricorde. Et vous connaissez sûrement le hadith aussi, où la personne a dit, j'ai autant d'enfants et je ne les ai pas embrassés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé, ébahi, étonné, de voir comment il est possible qu'une personne n'embrasse pas ses enfants. Hein? Quoi de plus hnin, comme on dit, quoi de plus doux, de plus beau d'avoir, surtout quand c'est les enfants, spécialement quand ils sont en bas âge, comment une personne n'arrive pas à embrasser, hein? Donc en vérité, le fruit de son cœur, parce que l'enfant c'est le fruit de son cœur, et c'est Allah qui dit ça, que Samara, hein? Samara Tufu Adi, il dit bien que c'est le fruit de son cœur, dans certains hadiths. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est étonné, et après il dit, donc il dit, mais la yarham, la yarham, celui qui ne fait pas miséricorde ne sera pas, il ne sera pas fait miséricorde. Et dans un autre hadith où une personne donc dit fil jahiliya avant l'islam, j'avais une fille. À l'époque, ils enterraient les filles vivantes. Hein, ou bien ils enterraient les vivantes, ou bien ils jetaient dans des puits. Moi, il y avait plusieurs façons. Mais généralement, ils enterraient. Et je l'ai amené donc, parce qu'il fallait faire ça. Il fallait bien sûr se débarrasser de cette fille-là, qui était en vérité une gêne pour eux, une honte. Elle pouvait lui amener la honte. Si elle amenait la honte dans la maison, ben, il suffisait. Ça partait en guerre interminable entre les tribus maintenant, si elle aurait eu suffisait. Qu'elle aurait eu ne serait-ce qu'un soupçon de rapport avec quelqu'un d'autre, par exemple, ou d'autres encore. Ou bien même par rapport, ils voulaient des garçons parce qu'ils aimaient les guerres, ils voulaient des garçons. Donc c'était aussi le fait de qu'elle va lui coûter, hein, qu'elle va lui coûter donc, afin de manger avec, donc elle va leur coûter de l'argent. Il est parti pour jeter cette fille-là dans un puits. Et elle disait donc abati, abati. Donc on comprend qu'elle parle. À quel âge les enfants parlent? À un an et quelques, pour pouvoir sortir ces mots-là. Donc il y a déjà un certain temps. Donc elle a vécu, c'est son père, elle a vécu donc un certain temps. Et il l'a jeté. Donc la fille raconte ça. Donc il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qui va lui advenir de cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleure. Il pleure au point où il n'a plus de larmes. Donc il pleure énormément, jusqu'à ce qu'il n'a plus de larmes. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit recommence l'histoire. Il redemande, hein, donc il demande de recommencer l'histoire afin de quoi? De pleurer encore une deuxième fois. Tellement en vérité, sa miséricorde envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est forte. Elle est forte parce qu'il lui dit recommence cette histoire. Et il peut être encore reparti sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il voit en vérité dans quoi les gens étaient avant et alhamdoulilah, dans quoi maintenant Allah leur a donné cet islam justement qui est venu enlever ces pratiques. Qui sont en vérité ignorantes et ignobles. Ces pratiques qui sont en vérité ignorantes et qui ne sont même pas de la nature saine. Qui ne sont même pas en vérité de la nature saine. Donc on voit qu'il n'y avait pas de rahma dans la jahiliya. Quatorzième point. Sadaqatu min al-ihsan. Wallah yuhibbu al-muhsini. Donc le sadaqa fait partie de la bonté. Et Allah aime donc les bienfaisants. Et Allah Azzawajal dit dans Sourate Al-Baqarah, verset 195, wa ahsinu, inna Allaha yuhibbu al-muhsinin. Et faites le bien. Certes, Allah aime ceux qui font le bien. Et quoi de mieux que d'être aimé par Allah ce matin-là? Le but, c'est pas d'aimer Allah, mais c'est d'être aimé par Allah. C'est ça le vrai but. Le but réel, c'est d'être aimé par Allah ce matin-là. Et Allah aussi, Allah Azzawajal dit quoi? Inna Allaha Yazi al-Mutasaddiqin. Certes, Allah agrée, accepte de ceux qui donnent, des donateurs. Wa qala subhanahu, inna Allaha la yudi'u ajra al-muhsinin. Et certes, Allah ne perd pas la récompense des bienfaisants. Donc, ces trois versets, en vérité, ils ont des liens. Le fait qu'Allah aime al-muhsinin. Et aussi, Allah donc agrée de ceux qui donnent. Et aussi, quoi? Il ne fait pas perdre en plus ceux qui donnent parce qu'ils sont muhsinin. Quelqu'un qui donne, on l'appelle un muhsin, parce qu'il a été bienfaisant vers toi. Et Allah dit bien qu'il ne fait. Non, on voit que Allah ne fait quoi? Ne perd pas. Il ne va pas faire perdre la récompense de ceux qui donnent. de ceux qui sont morsinim, des bienfaisants. Et parmi la bienfaisance, c'est de donner. Et ça revient en vérité au hadith. Manakasa yani un, malou min sadaqa. On voit bien que le manakasa yani sadaqa min mal. On voit bien que la sadaqa, elle ne va pas être diminuée par rapport à l'argent qui était donné. Donc ça revient en vérité ce hadith. Il est en accord avec le verset. Le verset est en accord avec le hadith qu'on a vu auparavant. L'ihsan, comme vous connaissez, comme on voit par rapport au hadith de Jibril, c'est quand même le plus haut degré. Donc c'est le degré qui est au-dessus de la foi, qui est composé par deux piliers. Le fait de quoi ? Donc de craindre Allah, hein, comme si tu le voyais. Hein, donc d'adorer Allah ce matin-là, comme si tu le voyais. Donc ça, c'est un pilier. Et si tu ne le vois pas, hein, sache que lui, il te voit. Ça, c'est le deuxième pilier. Et le premier pilier est le plus important, il est plus haut. Parce que c'est comme si tu le voyais. Ça, c'est fort. D'arriver au niveau de Mushahada, comme si tu le voyais, c'est comme si tu es en face de toi, et jamais tu te permettrais de faire des péchés devant quelqu'un que tu respecterais beaucoup, maintenant, un savant. Imagine si tu étais tout le temps avec un savant, tu ne vas pas commencer à faire des péchés. Ça, c'est clair, tu vas marcher droit. Tu vas marcher droit. Alors imagine-toi, c'est comme si tu voyais Allah. Donc jamais tu vas faire des péchés. Et si tu ne vas pas, sache que lui te voit. Ça, c'est un degré moindre. Dans l'Ihsan, comme on a dit, il est donc composé de deux piliers. C'est le pilier de fait comme si tu le voyais, le Mushahada, et le deuxième pilier, sache que c'est Allah qui te voit. Et ça, c'est un deuxième degré qui est donc moindre que le premier. Quinzièmement, يترتبوا على الصدقة الأجر العظيم الذي يربيها الله عز وجل ويضاعفه لصاحبه. Donc bien sûr, la sadaqa va donc donner, bien sûr, donc en conséquence, va donner en conséquence énormément de récompenses pour celui qui donne. Et en plus, elle fait fructifier, multiplier cette récompense. Elle dit bien, Allah Azza wa Jalla dit bien, donc, Rabbi al-Sadaqat. Donc Allah, justement, fait fructifier ou multiplie hein, les aumônes. Allah, il va justement faire fructifier les aumônes. Wallah, il a yushri beaucoup la kafarin athim. Et Allah déteste, bien sûr, tous mécréants qui commettent des péchés, qui commettent énormément de péchés. Dans Sourate al-Baqarah, verset 276. Et aussi, Abu Huraira rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, من تصدق بعد تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا الطيب يعني عفوا من تصدق بعد تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui donne, c'est-à-dire l'équivalent, donc celui qui va faire une donation de l'équivalent d'une date, une date ou son équivalent, moi je n'ai pas quelque chose qui aurait le même prix, parce qu'on a un morceau de sucre ou quoi, quelque chose qui aurait le même prix à peu près qu'une date. Une kasbi, elle est taïb, donc parmi ceux qu'il a gagné, des bonnes choses, donc du halal. Et Allah n'accepte que ce qui est bon. Et Allah n'accepte que ce qui est bon. Certes, Allah l'accepte hein, avec sa droite, puis l'a fait fructifier pour celui qui a fait ce don-là, comme celui qui en a été qui va bien sûr faire fructifier maintenant, faire pousser quelque chose. Donc ici, il dit bien c'est le mal. Annahu yufla. Donc c'est par rapport à hein, quelque chose qui pousse sur la terre. Donc sûrement un légume, donc qui va pousser en vérité sur la terre. Yumkin que ce soit comme le poule, Allahu a'lam. Hatta takuna mithl jabal. Jusqu'à ce que cette sadaqa, qui était en vérité donc une petite semence, hein, donc une petite semence, n'importe quelle semence, elle est devenue comment ? Aussi grande que la montagne. Pourquoi elle peut devenir aussi grande que la montagne ? Parce que c'est selon les niyas. C'est selon deux choses. Est-ce que l'acte il a été conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment était la niya hein? Et aussi d'autres cas peuvent apparaître dans ce domaine-là, dans le sens où un pauvre qui donne ça hein, alors que ça c'est cher pour lui, c'est beaucoup pour lui, il va recevoir plus de hasan qu'un riche qui aura donné la même chose, parce qu'il était plus facile pour le riche de le donner que le pauvre, alors que le pauvre l'a donné alors qu'il en a énormément besoin. Et aussi donc la personne qui était totalement dans le besoin, la personne qui n'est pas vraiment dans le besoin. Donc il y a en vérité des paramètres qui entrent en compte et qui font augmenter en vérité les hasanat, qui vont en vérité faire augmenter les hasanat de la personne. Jusqu'à ce que ça arrive à quoi? Donc jusqu'à ce que Allah va te faire augmenter ce que tu as donné. Alors qu'à l'origine c'est une petite semence, ça paraît insignifiant, pas cher, mais la récompense elle est tellement énorme que ça devient en vérité aussi grand qu'une montagne. Dans le sens où c'est mentionné une montagne, parce que c'est en réalité ce qu'il y a de plus grand, hein, à nos yeux. À nos yeux, ce que qu'on est de plus grand par rapport à ce que Allah nous a créé, bien sûr, c'est les montagnes. Il n'y a pas plus haut que les montagnes, de ce qu'on retrouve dans la terre. Sur la terre, donc ce que les choses, les créatures, ou ce qui a été créé de la part d'Allah, c'est bien sûr la montagne. Dans une variante, il dit même « Hatta takun al-a'dha min al-jabal » voire même encore plus grande, dans une autre version de muslim, encore plus grande que la montagne. Seizièmement, « Al-mutasaddiq ibtira mardatillahi ta'ala yafuzu bisana'illahi alayhi » celui qui donne en espérant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah donc le fait réussir. Allah donc ce qui va profiter en vérité, donc il va recevoir quoi? Les éloges de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quoi de mieux que d'être mentionné, hein, par Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'y aura pas meilleur que d'être mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr il y a aussi par le fait que Allah leur a promis, hein, une énorme récompense. Et aussi Allah va leur enlever la peur et la tristesse. Et Allah Azzawajal dit dans Sourate Al-Baqarah, verset 274, donc ceux qui donnent de leur argent de nuit et de jour en secret et en public, ils auront la récompense auprès de leur Seigneur, ils n'auront nulle peur et nulle tristesse. Non. Donc ils donnent tout le temps. Ils sont tout le temps en train de penser à ça. Il n'y a pas de moment de répit. Ils sont tout le temps en train de penser à aider les gens. Donc il n'y a pas de moment pour eux. Que ce soit en secret ou en public, c'est la même chose pour eux. Parce qu'il est permis de donner pour que les gens fassent la même chose. Il est permis en vérité de donner, maintenant, si on sait qu'on est face à un peuple qui n'a pas l'habitude de donner exprès en public, afin, pas pour que les gens disent ils donnent, c'est pas par rapport à leur exploitation, mais afin d'inciter les gens à faire la même chose. Parce que souvent on est poussé à quoi? À faire des choses une fois qu'on a l'habitude de voir les gens faire. Ça nous aide, ça nous incite. Si on se retrouve avec des gens qui ont de la science, des personnes qui sont pieuses, des savants, notre comportement il change. Pourquoi? Parce qu'on est justement, on reste avec eux. C'est pas l'hypocrisie, on va se dire je suis en France, je me laisse aller. Je me retrouve au milieu du savant, mon comportement change. Suis-je hypocrite? Non, c'est tout à fait normal, parce que tu te retrouves dans un meilleur milieu. Dans un milieu en vérité qui te pousse, qui t'incite à ça. Et Allah il demande de le craindre et de rester avec ceux qui sont véridiques. Donc pourquoi Allah il te demande de rester avec les véridiques? Enfin justement d'améliorer ta situation. On va d'améliorer en vérité ta situation. Et ici, Allah il leur enlève quoi? Il leur donne comme récompense non seulement la récompense, mais en plus, la khawfun alayhim wa lahum yahsanun. Le khawf, c'est la peur de ce qui va quoi? Advenir. On n'a pas peur de ce qui est passé c'est terminé, même s'il y a eu du mal. On a peur de ce qui va advenir. Et on n'est pas attristé de ce qu'on a fait auparavant. Dans le sens où on a fait les bonnes choses, donc on n'est pas attristé. Mais des fois, il y a des gens qui sont attristés. Ils ont eu l'occasion de faire beaucoup de bien, et ils ne l'ont pas fait. Et des fois, ça peut les attrister. Et aussi, si ces deux, si la personne a en lui, hein, en lui justement, donc cette peur, plus cette tristesse, il n'arrive pas à vivre normalement. Il va être, donc il peut même se retrouver, voire à l'hôpital psychiatrique. Celui qui a peur, plus triste, voulait faire de quoi lui. Donc on va retrouver quelqu'un qui sera énormément stressé. Donc il n'y a pas, on va être pire pour la personne d'avoir en lui la peur, la stress et la tristesse. S'il est peur et il est triste, donc on sait bien qu'il peut très bien se suicider maintenant. Il peut très bien arriver à faire des choses graves de sa vie. Non. Donc il ne pourra pas en vérité réfléchir normalement. Il ne pourra pas vivre normalement parce qu'il aura cette peur et cette tristesse qui est en lui. De toute façon, on va terminer jusqu'au 20e point. Donc là, on arrive aussi au 17e point, parce qu'il y a 20 points. المتصدق يحصل على مضاعفة الأجر على حسب إخلاصه لله تعالى. لقوله سبحانه وتعالى. Donc bien sûr, donc celui qui va donc donner pour Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il va recevoir donc énormément de récompenses. Et la récompense, elle peut bien sûr donc se multiplier selon sa sincérité, selon sa sincérité. Alors il dit bien: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. Donc celui qui donne, c'est l'exemple de celui qui, de ceux qui donnent de leurs biens dans le sentier d'Allah, sont comme donc une semence ou un noyau qui a fait pousser donc 7 épis, et dans chaque épi il y a 100 grains. Donc il a fait pousser ce grain là qui va ramener 7 épis, et dans chaque épi il y a donc 100 grains. Comprend qu'on arrive à 700, 100 fois 7. Wallahu yudaifu liman yasha, et Allah fait augmenter, multiplier à qui il veut. Wallahu wasi'un 'alim. Donc la récompense, Allah nous l'a donné jusqu'à 700. C'est énorme. Tu donnes un, Allah il peut te, selon ta sincérité, selon ta façon de faire, Allah il peut te augmenter jusqu'à 700. C'est beaucoup. Il n'y a pas meilleur intérêt que ça. Il n'y a pas meilleur intérêt que ça. On n'est pas en train de parler de 4%. On est en train, hein, qui sont plus interdits. On est en train de parler à ce moment-là de 701%. On est en train de parler de 700% qui vont, donc pour celui qui le fait de la meilleure façon, sincère, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi les hadiths de Abu Mas'ud al-Ansari radiallahu anhu qui dit: Ja'a rajoul binaqatin mahtouma faqal هذه في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. Donc il y a quelqu'un qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette chamelle, hein? Donc il a bien dit: wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il a dit donc cette chamelle sera bien sûr pour le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit: tu en auras 700, donc tu en auras 700 le jour dernier, tu en auras 700 le jour dernier. Je sais qu'il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bien: et je l'ai vu jouer avec ses chameaux. Je l'ai vu donc jouer avec ses chameaux au paradis. Donc celui qui donne d'un bien, il peut retrouver donc la même catégorie, la même nature, hein, que ce bien-là au paradis. Il peut retrouver la même nature que ce bien-là, hein, au paradis, de ce que Allah aura accepté, de ce que si cette catégorie de bien entre bien sûr au paradis. On peut retrouver la même catégorie. 18e, sadaqa taj'alu al-mujtama' al-muslim kal-usra al-wahida. Donc la sadaqa va faire en sorte que la communauté musulmane soit une communauté unie, une seule communauté qui sera bien sûr donc l'une. Yarhamu al-qawi al-da'if. Donc le fort va faire miséricorde aux faibles. Et celui qui est capable va bien sûr ressentir en vérité, donc il va aimer, il va ressentir en vérité celui qui est incapable. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'arriver à avoir ce que tu peux avoir, ma femme. Ils sont peut-être handicapés, ils ont peut-être donc des difficultés mentales ou physiques ou autres. Et le riche, non. Il va commettre, donc il va faire de la bienfaisance envers celui qui est en difficulté. Fayashkhuru sahibul mal birahbati fil ihsan. Donc et celui qui a de l'argent a envie par rapport à ça de faire du bien. Quand tu as donné à un pauvre, tu sais que tu l'as aidé, ça te fait du bien. Donc ça, cette sérénité qui va être entrée en toi parce que tu as fait du bien, tu as envie de la retrouver. Tu as envie de la retrouver un autre jour, un autre moment. Donc tu vas continuer à faire ça, à faire du bien pour que toujours tu ressentes en vérité ce bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّ اللَّهَ أَحْسَنَ إِلَيْهِ. Car bien sûr, certes Allah, il t'a, la personne elle sait que Allah t'a comblé de ses bienfaits. Les biens que tu as eus, c'est bien sûr de la bonté, de la générosité de la part d'Allah. Donc sois de la même façon, donne-toi aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa ahsin kama ahsana Allah ilayk. Et Allah il te rappelle en même temps. que ce que tu as eu, ça vient de la part d'Allah. Sois bon comme Allah a été bon envers toi. Comme Allah a été bon envers toi. Allah il est bon envers toi, donc sois bon. Et c'est aussi un délai du choukr. C'est en vérité un délai du remerciement de la part hein, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ils disent donc les ulama, que le choukr, sirru dawam al-ni'am. Le choukr, donc c'est vraiment le secret de la continuité des bienfaits. Donc les ulama comprenaient que si leurs bienfaits commencent à disparaître, ils disaient c'est parce que j'ai pas assez remercié Allah. C'est que parce qu'on sait bien que si tu ne remercies pas Allah des bienfaits qu'il t'a donnés, ils vont disparaître. Mais si tu remercies Allah, Allah il va te quoi ? Te rajouter. Hein ? Hein ? Certes, Allah il a promis, ça c'est une promesse d'Allah, que si vous le remerciez, Allah vous rajoute. Et Ibn al-Qayyim il dit, rahmallah, par rapport à ce verset, et après il donne d'autres versets, il donne encore plusieurs versets. Il dit, c'est le seul verset qui n'est pas conditionné par l'imam Yasha, à qui il veut. Parce que c'est une obligation, c'est un droit absolu. Que si tu demandes, si tu remercies, Allah il donne automatiquement. Obligé, tu rajoutes. C'est un droit obligatoire qu'Allah s'est fait envers ses serviteurs de le rajouter, donc sans condition. Sans condition. C'est comme, en fin de compte, pour celui qui va jamais associer en Allah. Alors Allah, il a promis de ne jamais, de quoi ? De ne pas le laisser en enfer éternellement. Il ne va pas le châtier. Hein, de ce châtiment, de fait de rester en enfer éternellement, parce qu'il a été, il fait partie d'Ahl al-Tawhid, il fait partie des gens de l'unicité. 19e point, Badrul Mal, Khayrul Mutasaddiqin, Ida Kana Zaiden, Al Kifayatihi. Donc le fait de donner de l'argent donc abondamment est meilleur pour celui qui a donné, si cet argent en vérité elle était au-dessus de ce que la personne avait besoin. La personne maintenant elle a besoin de 100. Et toi en vérité, lui il a besoin de 100, il est en difficulté. Mais toi tu l'as rajouté, tu lui as donné 150. Comme ça non seulement il pourra en vérité se payer maintenant la chose qu'il a besoin, ou bien de rembourser ce qu'il a besoin, mais en plus tu l'as aidé. Tu l'as donc facilité, non seulement tu lui as enlevé son mal, mais en plus tu l'as aidé à être un peu plus aisé. Ou c'est hadith de Abu Umama, donc il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc, Yabna Adam, innaka أن تبذل الفضل خيرا لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وأبدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit, ô fils d'Adam, donc que tu donnes abondamment, hein, que tu donnes des bienfaits. Hein, sont meilleurs pour toi. Le fable, c'est ce qu'il y a en plus, c'est de donner des surplus. Le fait de donner avec surplus, donc, est meilleur pour toi. Et de garder ce fable, c'est un mal pour toi. Hein, tu as, alhamdulillah, des bienfaits, mais tu penses qu'à économiser. Tu veux que ce compte augmente, en voit que ma femme augmente. Augmente, c'est tout. Mais tu ne donnes pas. Donc, c'est pas un bien pour toi, c'est un mal pour toi. C'est une hujja en vérité contre toi. C'est une preuve contre toi, mais ce n'est pas une preuve pour toi. Et aussi, donc tu ne seras pas, là tout là, mais donc tu ne seras pas en vérité dénigré par rapport à, ça veut dire, au fait de préférer cela à cela, donc de préférer en vérité cela à cela. Et aide, hein, et commence bien sûr par ceux qui sont bien sûr, donc, proches de toi, ceux qui sont bien sûr proches de toi. Donc il dit bien, aide, en vérité, ceux qui sont donc, les plus proches. Donc, bien sûr, la meilleure sadaqa, c'est celle qui est faite pour la famille. Et la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. C'est la main qui est au-dessus, parce que quand tu donnes par le haut. Tu ne donnes pas par le bas, et puis la personne fait ça. Donc, tu poses, enfin, donc c'est posé. La main qui donne, en fin de compte, est la main qui est au-dessus est meilleure celle que celle qui est en dessous. Dans le sens où la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Est meilleure que celle qui reçoit. Il suffit de voir, donc c'est un hadith rapporté par Muslim. Il suffit de voir en vérité les prophètes, alayhim salatu wassalam, donc les prophètes, comment ils étaient. En vérité, les prophètes, donc eux travaillaient, même si c'était pour porter du bois pour aller le vendre. Ils allaient couper même s'il fallait du bois pour aller le vendre. Et donc ils travaillaient. Et c'est pour ça que les ulama ont dit que le meilleur travail en vérité, c'est celui qui construit quelque chose de sa main et qui le vend. Donc imaginez-vous un menuisier. Un menuisier donc est meilleur qu'un commerçant, que celui qui va vendre même, hein, qui va acheter quelque chose, un lot de ça, pour le revendre. Parce qu'il a travaillé, ça ressemble plus au fruit de sa main, c'est en plus le travail des prophètes, plus que le commerçant lui-même. Donc il y a aussi dans les bonnes choses, il y a aussi bien sûr donc des préférences. Même dans le travail, il y a des préférences. 20e point, 20e et dernier point. Sadakatu sirr, tutfi radaballah. Donc la sadaka, donc l'aumône qui est envers toi en secret, elle cache, elle va plutôt éteindre Afwan, elle va éteindre la colère d'Allah, le courroux d'Allah. Wa sana'i al-ma'ruf tunji min masalih as-su. Le faire du bien donc va aussi protéger contre le mal, te protège contre tout ce qui est mauvais, toutes les mauvaises choses, le fait de faire du bien. Les hadiths de Muawiya ibn Haydar radiallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. Certes, donc il dit le prophète صلى الله عليه وسلم, certes la sadaqa, l'aumône qui est donnée en secret, éteint la colère d'Allah. Donc elle éteint la colère du Seigneur d'Allah سبحانه وتعالى. ولحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صناع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفي غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر. Donc, le fait de faire du bien, donc le fait de faire beaucoup de bien, elle va te protéger contre le mal qui devrait arriver. Hein, contre le mal qui devrait arriver. Il est possible que ce mal devait arriver, mais tu as fait ça, puis Allah ne va pas te l'écrire. Allah ne va pas te l'écrire. Parce qu'on sait qu'on va être dans le qadar. Hein, on sait que le qadar, il a écrit donc ce qui est fait le lohl mahfoud, celui-là il est immuable, il ne change pas. Ce que l'ange dit, hein, ce que l'ange vient insuffler de quelque chose lorsque tu es dans le ventre de ta mère, il peut être changé par les doigts ou par certaines choses, hein, comme le fait de respecter les parents, le fait de... par certains points. Parmi ces points-là, ceux-là, la sadaqa. La sadaqa, donc l'aumône qui est secret, va éteindre donc la colère du Seigneur, et les liens de parenté vont augmenter dans l'âge. Hein, augmenter dans l'âge. C'est-à-dire le lien de parenté, ils vont augmenter l'âge. Non. Et Cheikh Mohamed Amin al-Shanqiti, rahmallah, il dit, un petit truc d'exemple, il dit tous les 90 ans. C'est-à-dire qu'en réalité, Allah, il peut te rajouter 10 ans. Allah, il va te rajouter vraiment dans l'âge. Donc, il y aura un âge qui va t'augmenter. Mais bien sûr, c'est écrit dans la table. Mais simplement, ce qui est écrit, ça se peut que l'ange n'a pas dit ça. Mais Allah, bien sûr, il peut changer. Ça, Allah, il le change. Parce que ça fait pas. C'est vraiment une ziyada qui est véridique. C'est une ziyada qui est véridique. Même si l'ange avait dit que tu vas mourir à 80 ans, il est possible que tu vas mourir à 85 ans. Parce que tu as été bon envers, justement, tes parents. Tu as été bon, justement, envers tes parents, tes proches. Non. Et en fait, il y a un dernier point, c'est juste un titre. Donc, c'est Sadaqa Dawaoum il Amrat. Donc, la Sadaqa, c'est une guérison contre les maladies. C'est une guérison contre les maladies. Donc c'est un khabar qui est venu, qui est morsel parmi les marasils de Abu Daoud, avec une hassanahu al-Albani. Donc même Albani dit que bien sûr c'est bon. Comme quoi quand on a la sadaqa, c'est une guérison contre les maladies. Donc en plus, alhamdoulilah, c'est un khair. Donc le malade qui fait sadaqa, c'est un bien pour lui. Allah, il va, donc, avec sa permission, le guérir. Avec sa permission, donc il va le guérir. Donc on a terminé pour ce qui est des bienfaits de la sadaqa. On va continuer encore d'autres titres, mais on a juste vu les bienfaits de la sadaqa. On continuera, Inch'Allah, donc Marlette pour moi, et Rassal pour Frère Abbas. Donc au prochain cours, c'est avec le Frère Abbas ou Rassal. Et après, c'est Marlette, et après, c'est l'Aïcha. Pour ce qui est pour d'aujourd'hui. Mais pour demain, ça commence au Zohar, c'est bien ça? Demain, c'est le Zohar. Ça? Ou c'est la même chose? Demain, c'est la même chose, alors, c'est non, c'est après. Ah, non, c'est après le Zohar. Demain, c'est le Zohar, hein? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم